à Sifu pour l'écouter. 89.1. Cette semaine, on Mathieu Plante Show. Dans Télévision, la poupée diabolique Chucky du film Child's Play aura sa propre série télé. Dans Merci Science, les tempêtes de neige seraient mauvaises pour le cœur. Dans Célix, les hommes et les femmes taperaient différemment sur leur clavier. Et dans Tout ce qui bouge, une camionnette autonome qui fait des courses pour vous. Le Mathieu Plante Show commence tout de suite. Mathieu Plante, avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui dans l'émission de la semaine 8 du 12 février 2018, la chronique télévisuelle Television, la section Science, Technologie et Médecine, Merci Science, ainsi que le segment Geek CNX. Malheureusement, Frédéric Simon et Samuel Girard sont tous les deux absents, donc pas de rubrique jeux vidéo cette semaine. Par contre, dans quelques minutes, ce sera Television. Mais avant ça, on écoute un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. On a débuté l'émission avec quelqu'un que j'ai mentionné il y a quelques semaines en disant que chaque fois qu'il sortait une nouvelle chanson, j'aimais ça. Et là, soudainement, il y a en avait une que j'avais aimée, donc je l'avais diffusée il y a quelques semaines. Et là, Colin, on dirait qu'il s'est amélioré dans sa musique. Donc, Clam, qu'on s'en va entendre. En fait, qu'on vient d'entendre en début d'émission avec la pièce Dark City. Hein? Dark City de Clam, K-L-A-M-M. Et on continue avec la trame sonore d'un jeu vidéo qui s'appelle Celeste. C'est un nouveau jeu de plateforme style Mario. Donc en 2D avec une femme rousse qui est dépressive et qui essaie de grimper une montagne au Canada. C'est l'idée derrière le jeu Celeste. Et c'est une excellente musique pour étudier ou pour juste faire quelque chose qui demande de la concentration. C'est fait pour pas trop être dérangeant pendant qu'on avance dans un jeu vidéo. Donc on va écouter quelques pièces de cette trame sonore de Celeste. On commence avec Prologue tout de suite au Mathieu Plante Show sur C'est fou. Thank you. C'est si bon, Lena Rain avec la trame sonore de Celeste, c'est un jeu vidéo. Ça c'était la pièce First Steps, avant c'était Prologue. Encore comme je disais tout à l'heure, de la musique parfaite pour étudier ou pour travailler. C'est un jeu vidéo, donc il y a pas de paroles et il y a des climax, des bouts dedans qui sont faits pour te faire avancer dans le jeu. Donc c'est parfait pour travailler, accomplir des choses. On écoutera une autre pièce de Celeste tout à l'heure, mais pour l'instant c'est Television. Télévision, c'est la chronique où on parle de télévision, bien sûr, et on commence au Québec avec j'aime tellement Sonia Cordeau des Appendices. C'est celle qui est pas Marie-Élisabeth Bossé, l'autre Sonia Cordeau, c'est ma préf, je l'adore, je la trouve super drôle. C'est elle qui va co-animer l'émission de Stéphane Rousseau sur les ondes de V. C'est moins Stéphane Rousseau, c'est comme c'est tellement guérant en public son affaire, mais bon, tant mieux pour elle et j'espère que ça va pouvoir faire une bonne émission. Donc l'humoriste Stéphane Rousseau qui sera pas seul afin de mener son show à Rousseau, là, son titre ultra original de son émission qui va commencer sur V en mars. Donc la comédienne, scénariste et chanteuse, je sais pas, Sonia Cordeau, connue entre autres pour sa présence au sein du groupe Les Appendices, sera à ses côtés pour son talk show, le show de Rousseau. Ça a été dévoilé sur le web aujourd'hui même. En plus de ses présences à la télé, au théâtre et au cinéma, Sonia Cordeau est la moitié du duo pop musical folk, pop folk, peu importe comment vous voulez mettre ça, Jolie Bois avec Raphaël Lalande. La première diffusion de l'émission de fin de soirée, le show de Rousseau, enregistré devant public, donc pas en direct, aura lieu le 5 mars à 22h sur les ondes de V. Outre des entrevues, cette nouvelle production doit notamment donner lieu à la diffusion de sketchs et le dévoilement de chansons inédites. Donc au moins justement Sonia Cordeau qui va être là comme pour les sketchs, j'imagine, entre autres. Ça va être cool, ça devrait être bon. Ensuite, on va à TVA qui va proposer une incursion dans les coulisses du show business. C'est une adaptation d'un concept français qui est déjà diffusé sur RTV, toujours dans sa version originale, c'est la série Appelez mon agent. Donc TVA annonce le développement d'une nouvelle série qui, au Québec, l'adaptation va s'appeler... ça va s'appeler comment? Il n'y a pas encore de nom. D'accord, donc la série française s'appelle 10%. La version qu'on diffuse au Québec de l'émission française s'appelle « Appelez mon agent » et on sait pas la version québécoise va s'appeler comment. C'est compliqué, hein? Ça va se dérouler dans une agence artistique montréalaise où on va suivre les péripéties de 4 agents qui nous entraînent dans les coulisses du show business. Comme pour la version française, les téléspectateurs québécois verront des artistes d'ici interpréter leur propre rôle dans diverses situations fictives. Comédiens, chanteurs, humoristes ou auteurs se retrouveront donc au cœur des intrigues de cette nouvelle production. En France, Fabrice Luchini, Isabelle Adjani, Sophie Marceau, Jean Dujardin et Juliette Binoche se sont prêtés au jeu. Bien que la série originale compte 6 épisodes d'une heure par saison, la version québécoise comprendra, elle, 24 épisodes d'une heure. C'est beaucoup trop! Il n'y a personne qui fait des séries de 24 épisodes. Oui, non, ça ne se regarde pas. Québécois Contenu produira la série en collaboration avec Alsu, maison de production de Sophie Lorrain, et Alexis Durand-Bro et Forum Film. Catherine Léger sera responsable de l'écriture des textes. Ce sera sur TVA prochainement. On parle de Jeux olympiques un petit peu au niveau du Canada. À Pyeongchang 2018, près des deux tiers des Canadiens sont au rendez-vous. Un Canadien sur trois a regardé en direct ou en différé la diffusion de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pyeongchang 2018, qui se déroule donc du 9 au 25 février. Près du deux tiers, c'est 18 723 millions de personnes, 65% sur les réseaux qui les couvrent. Donc 32% des Canadiens, 11,4 millions, ont regardé en direct ou en différé la diffusion de la cérémonie d'ouverture le vendredi 9 février sur CBC et Radio-Canada ainsi que ses partenaires. Le direct lui-même a réuni un auditoire en moyenne de 1,3 million de Canadiens entre 6h et 9h heure de l'Est, donc ça c'était en direct. Dans le marché du Québec francophone, 194 000 téléspectateurs en moyenne ont suivi la cérémonie d'ouverture en direct sur ICI Télé et 47 000 personnes en moyenne sur RDS. La cérémonie qui était rediffusée en soirée pour 740 000 personnes. Et puis ça c'était sur Radio-Canada et 144 000 sur RDS. Une pointe d'auditoire a été enregistrée entre 21h et 21h15 au moment évidemment de l'entrée du flambeau olympique avec respectivement 792 000 et 195 000 téléspectateurs. Il y a d'autres chiffres pour les diffusions de différentes compétitions que vous pouvez les retrouver dans l'article sur assemblagerequis.com. Ensuite, on va aux États-Unis avec Charmed, dont on en parle fréquemment dans cette chronique. Les premiers détails sur le reboot qui s'annonce plus ouvert et varié. Les trois nouvelles sœurs de Charmed auront visiblement des noms qui commencent par M, hein, tandis que l'une d'entre elles devrait être lesbienne. Fin janvier, on disait que The CW avait commandé officiellement un reboot de la série Charmed. Aujourd'hui, alors que certaines actrices de la version originale ne voient pas ce retour d'un bon œil, TV Line a obtenu quelques informations intéressantes sur ce nouveau démarrage qui s'annonce comme féroce, drôle et féministe. Mm-hmm. D'abord, d'après le média, on dirait qu'on va dire aux voix aux sœurs qui ont un nom qui commence par P, donc Piper, Phoebe, Paige et Prue. Il va y avoir un trio en M à la place, Macy, Mel et Madison. Situé dans notre époque, donc contemporainement, la nouvelle intrigue suivra les aventures de ces trois femmes qui se découvrent des pouvoirs de sorcières. Tous les genres seraient considérés pour le casting, ce qui veut dire que les trois sœurs ne seront pas nécessairement blanches comme dans la série originale. De même, Mel serait lesbienne, ce qui augure donc un reboot assez ouvert, nous dit l'article de BeGeek.fr. Cette féministe au fort caractère serait donc serait dans la moitié de sa vingtaine et en couple avec une détective du nom de Soo-jin. Après un tragique accident, Mel deviendrait énervée, voire violente, avec une tendance à repousser son entourage. Son pouvoir serait d'arrêter le temps. Mel serait également la grande sœur de Madison, une athlétique étudiante dotée du pouvoir d'écouter les pensées. À l'inverse de sa grande sœur, elle aurait un ardent désir de s'intégrer, notamment dans une sororité. Et enfin, Macy serait une grosse amatrice de sciences dans la fin de la vingtaine. Titulaire d'un doctorat en physique quantique, elle pense être la sœur de Mel et Madison et son pouvoir serait la télékinésie. Le reste des personnages n'est pas oublié. La future série de Jessica O'Toole et Amy Riordan recherche également le beau conseiller du trio, donc Harry, ainsi que le petit ami Galvin, qui est le copain de Macy, et l'ex de Madison, qui est Brian. Et bien. Ensuite... parlons de Child's Play, le film avec la poupée diabolique Chucky, en français jeu d'enfant apparemment. J'ai jamais vu ça, peut-être comme titre, ça se peut. Donc une série télévisée basée sur jeu d'enfant, selon Bloody Disgusting. Le film d'horreur classique célèbre son 30e anniversaire cette année. L'émission télé serait une création de Don Mancini, qui a écrit le scénario et réalisé Seed of Chucky, Curse of Chucky et Cult of Chucky. Mancini qui a déclaré au site que lui et le producteur David Kirchner étaient en développement sur une série télé Child's Play et que la série se déroulerait en fait délibérément à la fin du dernier film et que le ton serait sombre et dérangeant. Brad Dourif, qui a fait la voix de Chucky, devrait revenir pour la série. Kirchner qui explique également dans une autre entrevue que la série télé Child's Play n'est pas un redémarrage, mais bien une continuation de l'histoire. Il dit de sa relation avec Mancini, je cite, « Je ne pense pas qu'il y ait une relation qui a duré aussi longtemps. Je suis incroyablement excité par la série et d'explorer un monde dans lequel nous n'avons jamais... » Ah, c'est tellement mal écrit. Nous ne l'avons jamais fait auparavant. On l'a jamais fait. Okay. Le premier film, Child's Play, qui est sorti en novembre 1988. Il y a eu 7 films au total, aussi 2 courts-métrages. Et la série, elle, aurait 8 épisodes d'une heure. Le réseau de CW qui montre son engagement à prendre de l'expansion un petit peu en commençant à programmer ou en fait en recommençant à programmer les dimanches soirs. The CW, c'est le réseau avec toutes les émissions de super-héros en ce moment. Ils ajoutent une 6e soirée de l'émission originale à partir de la saison prochaine. Un petit peu comme les réseaux plus traditionnels. The CW, qui date de 2006, en fait, c'est un partenariat entre CBS et Warner Brothers. C'est la combinaison de The WB et UPN qui ont fusionné ensemble. Au départ, The CW était particulièrement féminin, avec entre autres Gossip Girl, qui était un de ses grands succès. Mais récemment, ils ont évolué un petit peu leur programmation pour avoir plein d'émissions de super-héros. Et leur public est maintenant divisé à part égale entre hommes et femmes. Leur historique, les dimanches de CW, au départ, avait de la difficulté à programmer ces dimanches. Il y avait des émissions originales, souvent des émissions pour un public noir, un petit peu plus urbain, qui disait. Mais bref, après quelques temps de mauvaise cote d'écoute, à l'automne 2008, ils ont donné leur dimanche soir au studio indépendant Media Rights Capital. Et après quelques mois, la CW a donc arrêté son accord avec MRC. Et en 2009, ils ont simplement redonné les dimanches soirs à leurs stations affiliées qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec, des fois des films, des trucs comme ça, des séries acheté. Pour la saison 2018-2019, The CW va diffuser 12 heures de primetime chaque semaine, dont les dimanches, ce sera de 20h à 22h. Avant, c'était dans le temps où ils programmaient les dimanches, c'était de 19h à 22h. Donc, ça va être une augmentation de la saison en cours qui est 10 heures par semaine. Ça va monter donc à 12 heures de primetime sur The CW. Encore plus d'émissions de super-héros. On va à l'international où la version arabe de Saturday Night Live est interdite en Égypte. Les autorités égyptiennes ont interdit la diffusion de la version arabe de l'émission d'humour américaine Saturday Night Live pour avoir apparemment utilisé des expressions sexuelles selon une source gouvernementale. Ahmed Salim du Conseil suprême de réglementation des médias a déclaré à l'Associated Press qu'une analyse du contenu de l'émission avait permis de constater que la version arabe de SNL a utilisé de manière constante des expressions et insinuations sexuelles et que le contenu entier de l'émission viole les critères éthiques et professionnels. La version arabe de SNL a été diffusée pour la première fois en Égypte il y a 2 ans. Elle est présentée dans le même format que l'émission américaine et produite par le réseau OSN aux Émirats Arabes Unis. Le chef de la chaîne égyptienne On Ent, Mustafa El Saka, a confirmé à l'Associated Press avoir cessé de diffuser les messages promotionnels de l'émission depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction. Mais on n'a pas pu dire à ce moment-là si l'émission serait diffusée ce samedi ou pas. L'article qui est courant de cette semaine, donc on parle du samedi 17 février. Firefly, qui devrait être de retour, mais en roman. 3 romans inédits se déroulant dans l'univers de Firefly seraient prévus pour continuer l'aventure de la série de science-fiction. À chaque fois qu'on parle de Firefly, évidemment, on parle d'un succès d'estime, un succès critique, mais pas vraiment un succès de public. On se rappelle qu'il y a eu un film ensuite. D'après le souvent bien informé Entertainment Weekly, Titan Books et 20th Century Fox Consumer Products travaillent ensemble à la sortie de 3 livres d'ici les prochains mois. Tout se déroulerait dans le canon de la série, donc les mêmes personnages, les mêmes endroits, tandis que le créateur Joss Whedon serait présent en tant qu'éditeur consultant. Il n'est cependant pas clair si les histoires se dérouleront avant, pendant ou après les 14 épisodes de la série, ou encore le film qui conclut l'histoire, Serenity. Le premier tome, Firefly Big Damn Hero, sera écrit par Nancy Holder, l'auteur de romans de Buffy, Angel et Smallville, et arrivera en octobre 2018, en anglais évidemment. Dans ce roman, le capitaine Malcolm Reynolds, joué par Nathan Fillion dans la série, se retrouve kidnappé par un groupe de vétérans Browncoats. Ensuite, en mars 2019, arrivera Firefly The Magnificent Nine par James Lovegrove. Cette fois-ci, c'est Jane, jouée dans la série par Adam Baldwin, qui recevra un appel de détresse de son ex Temperance McCloud, qui pourrait diriger l'équipage du Serenity vers le danger sur une lune déserte. Et enfin, en octobre 2019, ce sera Firefly Generations par Tim Leben, la découverte de l'un des légendaires vaisseaux Arch, Archie, qui a amené les humains de la Terre vers le Verse. Le Verse promet une récupération de matériaux stupéfiants, mais à quel prix? C'est River Tam, joué par Summer Glau, qui pense qu'elle pourrait le savoir. Voilà, les livres de Firefly à venir. Ensuite, on va sur Amazon, on va sur Internet pour le prochain bloc. Donc, on commence par Amazon, qui engage quelqu'un qui travaille chez NBC. En fait, un exécutif derrière la série à succès This Is Us. C'est quoi en français déjà? Ça joue à Radio-Canada en ce moment. This Is Us, Notre Histoire, quelque chose comme ça. Bref. Amazon, qui vient d'engager Jennifer Salk, qui est une des exécutives des plus haut placés dans le business de la télé, pour s'occuper de son studio interne pour la production de films et de télé après les allégations d'inconduite sexuelle contre son prédécesseur masculin. Donc Salk, qui a passé les 7 dernières années en tant que présidente du divertissement chez NBC, où elle a mis des séries à succès en ondes comme This Is Us, Chicago Med et The Blacklist en ondes. Elle est native de Los Angeles. Elle s'est aussi occupée du Universal Television Studio, qui a développé Master of None et Unbreakable Kimmy Schmidt sur Netflix. C'est le rival, bien sûr, le concurrent d'Amazon. Amazon, qui a passé des mois à essayer de trouver un exécutif qui allait pouvoir surveiller sa stratégie de programmation à ses studios. Des studios qui ont développé des succès comme The Marvelous Mrs. Maisel, mais qui n'a pas encore eu de gros succès de code d'écoute, qui ont eu des succès d'estime. La compagnie qui a dépensé plus de 4 milliards de dollars en programmation vidéo en 2017, selon les bulletins d'analystes, les bulletins prévisionnels des analystes. Voilà. Moins que Netflix, mais plus que d'autres géants de la technologie. Voilà. Ensuite, parlons de Disney, où les premiers détails de son service de streaming viennent de sortir dans les derniers jours. Attendu pour l'automne 2019, le futur service de streaming vidéo de Disney commence à dessiner son contenu. Le média américain Deadline, qui a un point commun avec un célèbre personnage de Disney, c'est les grandes oreilles, nous dit Big Geek. En effet, le site dévoile les premières informations sur le contenu que devrait proposer le futur service que lancera Disney à l'automne 2019. Cette date ne devrait concerner que les États-Unis pour l'instant, puisque le déploiement dans le reste du monde devrait se faire plus tard. Donc, on a annoncé que la plateforme, au prix encore inconnu, ne proposerait aucun contenu 18 ans et plus. On va être tout public. Pour retrouver des films et des séries matures de chez Disney, il faudra donc continuer de regarder Hulu, qui est son partenaire, son autre service de streaming. Bref, les séries Marvel, déjà proposées ailleurs, devraient pour le moment rester là où elles sont. On parle entre autres de Daredevil, Jessica Jones sur Netflix, donc c'est bon pour les utilisateurs de Netflix. Deadline ne mentionne pas les autres séries qui sont par exemple sur ABC, comme Agents of S.H.I.E.L.D. Enfin, le plan de Disney serait de proposer 4 à 5 films originaux et 5 séries télé originales sur son service durant la première année. Le média a notamment eu vent de séries comme High School Musical, Marvel en live action, Monsters Inc. version animée et une œuvre Star Wars indéterminée. Pour les films, Deadline mentionne quelques projets de films, dont Don Quixote, La Belle et le Clochard, The Paper Magician, Stargirl, Togo, Magic Camp, qui est actuellement en post-production, Noël, qui est aussi en post-production, Three Men and a Baby, Sword and the Stone, qui est un film Merlin l'Enchanteur, et Timmy Failure. Le sort du côté du racheté 21st Century Fox n'a pas encore été dévoilé. Toujours chez Netflix, Paris sera en vedette dans une future série. Netflix qui va proposer bientôt une série dont la star sera la ville de Paris, annoncé l'édile de la capitale Anne Hidalgo sur Twitter. Alors que la plateforme française de Netflix lance le 23 février prochain la deuxième saison de la série Marseille, ville du sud-est de la France, le géant du streaming confirme que Paris sera au centre de sa nouvelle création. Pour la maire de Paris, oui, c'est un nouveau signe de l'attrait toujours grandissant de la capitale, co-réalisé par Noémie Saglio, la réalisatrice de Connasse, Princesse des Cœurs. Ça, c'est la série. Une comédie romantique... Non, pardon, c'est une série? Il me semble, bref. La série dont on parle qui s'en vient, une comédie romantique de 8 épisodes de 30 minutes, met en scène Elsa, une trentenaire qui peine à trouver l'amour, entourée de 3 amis déterminés à mettre un terme à son célibat. Voilà. On dit qu'en 2017, il y a eu une hausse de 17% des tournages de films, de séries et de publicités en France. Ça représente 11 000 réalisations en tout, soit 5 500 jours de tournage par année, c'est-à-dire en moyenne 15 par jour. Hein? Des tournages qui, selon le magazine Télé 7 jours, rapportent à la ville de Paris près de 1,5 million d'euros chaque année. Toujours chez Netflix, il nie espionner les utilisateurs. Netflix a nié donc avoir contacté un de ses utilisateurs déprimés, vous avez peut-être entendu parler de cette nouvelle-là, qui aurait regardé 188 épisodes de la série The Office en une semaine. Un canular largement relayé par les médias qui jouait sur la peur que le service de streaming ne viole la vie privée de ses clients. À la fausse information qui avait été publiée sur Pizza Bottle, un site de divertissement très peu référencé, très peu fiable, au début du mois de février, l'auteur de l'article relayait un message publié sur le forum Reddit par une personne prétendant avoir été contacté par Netflix en raison de sa consommation intensive de séries télé. L'internaute expliquait être un peu déprimé et assurait avoir regardé les 188 épisodes de la série américaine The Office en une semaine, soit près de 10 heures de Netflix par jour. Selon l'article, la plateforme de vidéo à la demande serait alors entrée en contact avec lui pour vérifier que tout allait bien dans sa vie. L'histoire, qui a été encore une fois, je le répète, relayée par plusieurs médias, dans la presse, à la radio, à la télé, est complètement fausse. Je cite, Netflix ne prend pas l'initiative de contacter ses utilisateurs pour vérifier qu'ils se portent bien en se basant sur leurs habitudes de consommation. Hein? Nous envoyons occasionnellement des courriels à nos membres pour partager nos recommandations d'œuvres qu'ils pourraient apprécier, mais le canular avait de quoi séduire compte tenu des dernières polémiques concernant la plateforme de streaming accusée d'être trop invasive vis-à-vis de la vie privée de ses consommateurs. Il y avait d'ailleurs eu un tweet, et ça c'est un vrai tweet, hein, de la part de Netflix US qui disait je cite, aux 53 personnes qui ont regardé A Christmas Prince tous les jours pendant les 18 derniers jours, qui vous a fait du mal? C'était un vrai tweet, donc on avait un petit peu pris ça comme base pour inventer l'histoire de The Office. Mais bon, c'est pas vrai, hein? C'est juste pas vrai. Ensuite, on va chez Hulu, qui enregistre des pertes, malheureusement pour eux, de 920 millions de dollars américains en 2017. Le service de streaming américain Hulu a enregistré des pertes, donc énormes, car ils ont augmenté leurs dépenses de contenu afin de faire face à la concurrence des autres plateformes de diffusion web. La nouvelle arrive alors que les sociétés mères Disney, 21st Century Fox, Comcast et Time Warner ont investi 1 milliard de dollars US dans Hulu l'année dernière, selon Comcast. En 2016, le streamer avait enregistré des pertes de 531 millions de dollars. Hulu a promis en mai de doubler ses dépenses sur le contenu pour suivre Netflix et Amazon. Le géant de la technologie Apple a également accéléré son passage à la programmation originale. Le streamer a été acclamé par la critique, l'on revient à Hulu, l'année dernière avec son titre original The Handmaid's Tale, La Servante Écarlate. La série qui met en vedette Elizabeth Moss en a fait le premier service de streaming à gagner un Primetime Emmy Award, battant ainsi Better Call Saul, House of Cards et Stranger Things, ce qui signifie que Hulu, qui a eu 18 nominations, a battu ses plus grands concurrents Netflix et Amazon pour le prix du meilleur drame aux États-Unis, The Handmaid's Tale, qui va revenir d'ailleurs pour une deuxième saison à partir du 25 avril sur Hulu, évidemment. Hulu qui a également dévoilé une liste de nouvelles séries originales, incluant Catch-22, dont on a parlé il y a quelques semaines avec George Clooney, une série animée LGBT qui se nomme The Bravest Night, la série dramatique Kiri, un remake sérialisé du film Four Weddings and a Funeral, la sitcom Brockmire, la série dystopique Hard Sun et le thriller de Castle Rock produit par J.J. Abrams. Ensuite, on revient chez Netflix un petit peu avec toute l'histoire de Disney et tout ça. Là. Bon, Disney qui qu'est-ce qu'on avait à dire sur Disney, c'était qu'ils partaient leur propre système et qu'ils allaient peut-être amener certaines séries des grands réseaux avec eux. Bref, Ryan Murphy, créateur d'émissions très nombreuses, va quitter son studio pour aller chez Netflix, le studio qui était chez Fox. Pour aller chez Netflix, donc pour produire de nouvelles émissions et des films exclusivement pour Netflix. 21st Century Fox qui a adopté récemment une approche business as usual pour dire aux gens de la business de la télé que tout allait bien, que tout allait continuer comme prévu malgré le fait que Disney a racheté des parties de 20th Century Fox pour 52,4 milliards de dollars. Hein, bref, mais Ryan Murphy, le producteur le plus prolifique du studio télé, lui, s'en va voir ailleurs. Hein. Donc, Netflix a révélé qu'ils avaient réussi à rattraper, à repêcher Murphy, le créateur de l'année selon plusieurs. Selon Adweek, entre autres, avec un contrat de 5 ans qui pourrait valoir jusqu'à 300 millions de dollars pour produire des émissions de télé et des films exclusivement pour le service Netflix à partir du 1er juillet. Murphy, qui est le deuxième méga producteur à quitter leur maison pour Netflix. En août dernier, Shonda Rhimes et sa compagnie de production Shondaland ont quitté ABC Studios pour le service de streaming. Un peu comme Rhimes, Murphy va continuer de participer à ses émissions courantes qui sont sur FX et Fox. On parle de American Horror Story, American Crime Story avec leur plus récente saison qui est The Assassination of Gianni Versace, qui est maintenant en train d'être diffusée. Il y a aussi Feud, le drame de mi-saison 911 et le futur drame sur FX Pose. Donc, pour toute leur durée, il va continuer de travailler avec eux. Et la série d'anthologie American Horror Story ainsi que American Crime Story et Feud, qui sont tous réinventés chaque saison, certaines de ces émissions-là pourraient toujours être en production à la conclusion de son contrat de 5 ans chez Netflix. Il y a deux projets qui sont déjà chez Netflix. Ratched, qui est une série qui focus sur Nurse Ratched, l'infirmière sadique du film de 1975, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ce sera Sarah Paulson qui va être la vedette, elle qui a déjà été dans American Horror Story aussi. Et il y a un autre projet qui s'appelle The Politician qui, elle, va mettre en vedette Barbara Streisand et Gwyneth Paltrow. Hey, ça en fait-tu des choses, hein? Il y a tout plein d'autres détails, vraiment beaucoup d'autres détails dans l'article sur assemblagerequis.com. Ensuite, toujours sur le web, le FMC qui soutient la production de 16 web-séries. Ce financement du FMC qui contribuera au retour de 9 web-séries en anglais et 7 en français. Par l'intermédiaire de son programme pilote pour les web-séries, le Fonds des médias du Canada va investir 3,5 millions de dollars pour soutenir la production de ces 16 web-séries. Ce financement contribuera au retour de 9 web-séries en anglais et 7 en français, comme je viens tout juste de le dire. Entre autres, on retrouve L'âge adulte, Collection en cours ou encore Marc en peluche. Parmi les 16 web-séries en production, on retrouve 3 projets destinés aux enfants et aux jeunes, 11 dramatiques et 2 documentaires. Le programme qui a été mis en place afin de financer les web-séries canadiennes qui en sont à leur deuxième saison ou plus, donc qui ont déjà du succès. Et pour terminer, comme on le fait une fois de temps en temps, Television, c'est pas juste de la télé, c'est aussi de la radio par moment. Et on parle rapidement du comité de relance pour la radio communautaire montréalaise CIBL. Pour relancer ses activités mises en danger par de sérieuses difficultés financières, la station de radio communautaire montréalaise CIBL comptera entre autres sur le producteur et gérant d'artistes Jacques Caprimo, l'homme d'affaires Alexandre Taillefer, tel qu'on l'avait prédit, l'ex-patronne de la SODEC Monique Simard et le directeur général du chantier de l'économie sociale Jean-Martin Hossan. Monsieur Primo, qui est directeur de la promotion chez CIBL, directeur dans les années 1980 et actuellement président du conseil d'administration du partenariat du quartier des spectacles, sera coprésident du comité de relance de la station en compagnie de Chloé Sondervorst, une ancienne employée du 101.5 FM qui est maintenant aussi réalisatrice à Radio-Canada. Le comité qui veut donner un nouveau souffle à la station et assurer sa survie à long terme. Pas facile pour les radios. Hein. Une assemblée générale devrait avoir lieu à la mi-mars, a affirmé au devoir Chloé Sondervorst. Cet article ici qui nous vient de la presse canadienne. Environ 7 des 13 postes au conseil d'administration pourraient être à pourvoir. Certains administrateurs terminent leur mandat, d'autres ont démissionné ou pensent quitter l'organisation. Le 101.5 a par ailleurs annoncé la tenue d'un spectacle de soutien le 27 février prochain au Club Soda. Plusieurs artistes y monteront sur scène, dont Marat Tremblay, Monon Serge, Danny Placard, Yves Desrosiers, Luc de la Rochelière, D-Track et Solido Pessao. Et on rappelle que le 5 janvier dernier, c'est bien triste, c'est CIBL qui avait mis à pied temporairement les 13 employés de la station. Voilà. Donc, l'article de la presse canadienne via Le Devoir. C'est tout pour Television. Tout à l'heure, avant la chronique, on était en train d'écouter la trame sonore du jeu Céleste par Lena Raine. Et j'avais dit qu'il y aurait une troisième pièce là-dedans. Donc, la voici. Elle s'appelle Awake au Mathieu Plante Show. Thank you. We'll be right back.

Une meilleure compréhension de ces circuits pourrait aider à développer des thérapies pour les lésions de la moelle épinière, des maladies qui affectent l'équilibre et des moyens de prévenir les chutes chez les personnes âgées. Et pour terminer, la posture du triomphe est innée et non culturelle. Dans les compétitions importantes, tous les sportifs, peu importe leur culture d'origine, exultent de la même façon en cas de succès, nous dit Futura Santé. Cette attitude triomphante révèle en réalité un comportement de domination, ce qui suggère qu'on aurait un besoin inné de hiérarchie. Donc, lever les bras, le regard vers le ciel. Lorsqu'un sportif de haut niveau remporte son épreuve, il a souvent un geste qui marque son triomphe. Une étude publiée dans le Motivation and Emotion et portant sur des judokas suggère que ce comportement relèverait de l'inné plutôt que du culturel. Pour se construire, un individu a besoin d'une éducation, celle-ci reposant en général sur des préceptes propres à la culture de laquelle il est issu. La culture est une composante très variable à travers les peuples et les âges. Par exemple, certains prônent la hiérarchie et débouchent sur des castes, alors que dans d'autres, on tend vers l'égalitarisme. Ces différences culturelles se révèlent lors de rencontres organisées à l'échelle mondiale, comme le sport peut offrir. Alors, des psychologues comme David Matsumoto et Wissing Huang de l'Université d'État de San Francisco en Californie profitent de ces occasions pour observer dans le comportement des athlètes des attitudes qui relèveraient de l'inné, donc intrinsèque, ou de l'acquis, c'est le culturel. Par exemple, en novembre dernier, ils ont montré que les judokas issus de pays où on accorde beaucoup d'importance au statut social se montrent les plus expressifs lorsqu'ils gagnent. Faut-il en déduire pour autant que les manifestations comportementales qui suivent directement un succès relèvent uniquement de la culture? Non, si on analyse leurs dernières publications. Cette recherche a porté sur l'attitude des judokas vainqueurs lors des confrontations olympiques et paralympiques. Pour les sportifs en situation de handicap, évidemment, on se lèvera pas debout, hein? Et aussi ceux qui sont atteints de cécité. Les chercheurs ont scruté les premiers mouvements des athlètes dans les tout premiers moments suivant l'annonce de leur succès. Objectif, déterminer si le corps exprime le triomphe, considéré comme une attitude de domination. Pour ce faire, les poings levés au-dessus du niveau des épaules, les mains venant frapper un torse bombé ou un regard vers le ciel, le sourire aux lèvres étaient autant de manifestations d'un ascendant hiérarchique. L'intensité des gestes était évaluée par une note s'étalant sur une échelle de 1 à 5. Les pratiquants de l'art martial nippon exultent tous, quelle que soit leur culture d'origine, et ce dans un laps de temps très court et avec des moyens d'expression universels. Même chez les judokas aveugles, les auteurs suggèrent donc que la manifestation du triomphe constitue une composante innée de notre comportement de la même façon que de nombreuses espèces animales arborent une attitude marquant la hiérarchie dans certaines situations qui souvent donnent l'illusion d'un corps plus imposant. Ce travail suggère donc qu'on a le besoin inné d'établir un ordre hiérarchique dans notre société, d'après David Matsumoto. Cela se manifeste de multiples façons dans d'autres circonstances. Celui qui crie le plus fort lors d'un débat, par exemple. Cependant, il semble que les peuples vivant dans des cultures qui confèrent une place plus importante au pouvoir recourent plus fréquemment aux expressions corporelles associées à la domination. Mais quelques objections sont possibles, nous dit-on. D'abord, chaque discipline sportive dispose de sa propre culture. On dit par exemple que le football est un sport de gentleman pratiqué par des voyous, tandis que le rugby est un sport de voyous pratiqué par des gentlemen. Le judo aussi a des valeurs. Il repose sur le respect de son adversaire, puisque les deux lutteurs se saluent avant et après le combat. Si chaque nation aborde la technique différemment, certaines notions sont inéluctablement partagées. Enfin, le sport se pratique à différents niveaux d'intensité et de pratique. Les Jeux olympiques ne sont accessibles qu'à une élite, tous éduqués pour devenir de véritables athlètes, prêts à tous les sacrifices pour atteindre les sommets de leur discipline. On leur a donc inculqué la même culture, celle où on doit gagner. Voilà, pour le bloc Merci Science, c'était quand même relativement court, mais très intéressant comme toujours. On s'en va entendre un autre petit bloc, cette fois-ci composé de trois pièces de la trame sonore de Cuphead, dont on a entendu un extrait tantôt. On va entendre Coin Up Bop, mais avant ça, j'avais oublié de les jouer tantôt avant la pièce que j'ai fait jouer. C'est les deux petites introductions, une chantée et l'autre instrumentale, c'est Christopher Madigan avec Don't Deal With The Devil. Well, Cuphead and his Pelmug man, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their heads. Thank you. Dusty Garden sur la trame sonore de Super Mario Galaxy, mais repris par ZB System sur un album de 2010 qui s'appelle Dreamers, a tribute to Koji Kondo and Nobuo Uematsu. Donc, deux créateurs de musique de jeux vidéo, hein. C'est vraiment génial. D'autres pièces tantôt, évidemment, de ça, hein, de ces temps-ci, j'ai envie tout le temps d'entendre plusieurs pièces de chaque album. Donc, on entendra tantôt un remix de jeu de Zelda et de Yoshi's Island. Mais avant ça, c'est le segment Geek Cynix. Dash dot, dash dot, dash dot. Cynix.com. Cynix, c'est le blog de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. On reconnaissance faciale, c'est ce que je voulais dire, qui serait plus efficace si on a la peau claire. Une étude menée par le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, et l'Université de Stanford sur des outils d'analyse des images révèle que le taux d'erreur est nettement plus élevé lorsqu'il s'agit d'identifier des personnes à la peau foncée, et particulièrement les femmes. L'explication tient au manque de diversité des données utilisées pour entraîner les algorithmes. Trois programmes d'analyse faciale commercialisés par de grandes entreprises technologiques présentent des biais fondés sur le type de peau et le sexe. C'est ce qu'affirme une équipe de chercheurs du MIT et de l'Université de Stanford dans un article scientifique qui sera prochainement présenté dans la conférence Fairness, Accountability and Transparency. L'étude a porté sur trois logiciels d'analyse faciale généraliste conçus par IBM, Microsoft et Face++, et le verdict est sans appel. Le taux d'erreur pour déterminer le sexe d'un homme à la peau claire n'excède pas 0,8%. En revanche, il passe à plus de 34% quand il s'agit de déterminer le sexe d'une femme à la peau sombre. La démonstration n'a pas pour but de dénoncer une forme de ségrégation intentionnelle de la part des concepteurs de ces programmes, c'est plutôt de souligner le manque de diversité des données qui sont utilisées pour entraîner les algorithmes. En effet, si une base de données sur laquelle s'appuie un logiciel de reconnaissance faciale contient plus de visages d'hommes blancs que de femmes noires, le système aura évidemment plus de mal à reconnaître ces dernières. Pour les chercheurs, des efforts de transparence et de responsabilité sont indispensables pour changer cette situation. En effet, les techniques d'apprentissage automatique et donc le machine learning qui servent à distinguer le sexe d'une personne à partir d'une photo sont appliquées à de nombreux domaines de la vision informatique et de l'intelligence artificielle. La reconnaissance faciale, notamment à des fins policières, en fait partie. Mais c'est aussi le cas de l'analyse prédictive sur laquelle s'appuient des outils de recrutement, de santé, des banques ou des organismes de crédit pour accorder des financements. Les risques d'erreurs et d'injustices graves sont donc bien réels. En Chine, la police a des lunettes connectées avec de la reconnaissance faciale, justement. Le grand public ne fit pas franchement bon accueil au Google Glass, la faute notamment à une peur d'être potentiellement enregistré en permanence. En Chine, par contre, certains agents de police sont désormais équipés de lunettes connectées avec technologie de reconnaissance faciale. Dans un rapport de The Wall Street Journal, on apprend que la police chinoise possède désormais des lunettes connectées, utilisées notamment pour identifier les fugitifs dans les gares. Selon la police, la technologie n'est utilisée que pour localiser les criminels et les utilisateurs de fausses identités, mais certains s'inquiètent qu'elle puisse servir à cibler un jour les politiciens de l'opposition ou certaines minorités. On n'a aucun détail présentement concernant la technologie en elle-même, mais il semblerait que l'ensemble soit assez rapide. L'agent de police n'a qu'à regarder la personne, la caméra prend quelques mesures du visage en question, en comparant les données à une base de données, tout ça en quelques secondes à peine. On va aux Olympiques maintenant avec une veste chauffante high-tech pour les Jeux Olympiques de 2018. La marque Ralph Lauren a conçu la parka officielle de la délégation américaine des Jeux Olympiques 2018. Celle-ci est équipée d'un système de chauffage intégré à ancre conductrice. Une innovation qu'on pourrait retrouver dans nos futurs vêtements, nous la plèbe. Les athlètes qui représentent les États-Unis aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud n'auront certainement pas froid lors des cérémonies d'ouverture et de clôture. En effet, ils seront tous vêtus d'une parka chauffante spécialement conçue par la marque de prêt-à-porter Ralph Lauren. Ce vêtement high-tech incorpore une zone chauffante située à l'intérieur, au niveau du dos. Celle-ci est symbolisée par un drapeau des États-Unis imprimé avec une encre conductrice mêlant des particules d'argent et de carbone. On peut le constater dans une vidéo sur CNET. La souplesse de cette partie chauffante est étonnante. Un fin cordon caché dans la doublure relie cette pièce de tissu à une batterie cachée au fond de l'une des poches extérieures. Celle-ci a une autonomie de 11 heures. Oui, il faut brancher son manteau. Ouais. Les athlètes pourront contrôler la température à l'aide d'une application sur leur téléphone intelligent. Ralph Lauren dit avoir testé cette parka chauffante dans des chambres froides à moins 20 degrés Celsius. En tout, 700 athlètes olympiques et paralympiques ont reçu une parka chauffante pour la cérémonie d'ouverture et un blouson chauffant pour la cérémonie de clôture. Une centaine d'exemplaires ont été proposés à la vente au public à 2 500 $ US pièce et se sont vendus en moins de 20 minutes. Ralph Lauren qui indique que cette expérimentation va lui permettre d'évaluer la technologie pour l'intégrer dans de futurs vêtements. Une veste en édition limitée devrait sortir l'automne prochain. Toujours aux Jeux Olympiques. Les premiers robots skieurs se sont affrontés, peut-être avez-vous vu ça. Une compétition de nouveau genre s'est déroulée en marge de l'événement sportif. Une sorte de slalom pour robots humanoïdes qui a donné lieu à quelques chutes spectaculaires. Toujours difficile de voir les athlètes tomber, mais là, les robots, c'est encore plus cool. Donc, il s'agissait d'une compétition de robots skieurs, première du genre dans l'histoire des Jeux Olympiques. Le Ski Robot Challenge s'est déroulé à Hangzhou, près de Pyeongchang, et a confronté 8 humanoïdes développés essentiellement par des équipes universitaires, selon The Verge. Monté sur des skis, les machines devaient dévaler une pente de 80 mètres parsemée de drapeaux et le plus vite possible. Pour se qualifier, les robots devaient faire en au moins 50 cm de haut et être capables de se tenir sur deux jambes avec des articulations ressemblant à des coudes et des genoux. Équipés de nombreux moteurs, de caméras et de capteurs, ils étaient programmés pour imiter les mouvements d'un humain et distinguer la couleur rouge du bleu pour s'orienter entre les fanions. Et pour leur spectacle, ils étaient affublés de véritables combinaisons de skis. Ça dit pas s'il y avait un petit manteau chauffant Ralph Lauren. Mais les conditions météorologiques alliant froid et vent ont mis ces machines à rude épreuve, précipitant leur chute ou leur collision dans les mâts des drapeaux. C'est Take One 5, ou Take One V, dépendant, dont le nom est un hommage au dessin animé coréen Gundam, qui a remporté la compétition avec un montant d'argent dans les dizaines de milliers de dollars, dans les... Ouais, la dizaine, peut-être pas de plusieurs. C'est seulement 75 cm de hauteur qu'il fait, et ça a sûrement contribué à lui permettre de garder l'équilibre et à dévaler la piste en seulement 18 secondes. Fallait voir la vidéo en passant sur assemblagerequis.com. On continue dans le domaine des robots avec des tout petits robots, hein, un petit peu comme celui-là, inspirés des cafards capables de s'enfuir super rapidement. Alors que Boston Dynamics a mis au point un robot capable d'ouvrir les portes et qui vient s'ajouter au grand nombre de créations robotiques de l'entreprise américaine, une équipe de chercheurs de l'Université de Berkeley en Californie a créé un nouveau type de robot inspiré des cafards. Il permet de résoudre un problème crucial, celui du déplacement dans l'espace à très grande vitesse. Les robots en question ne sont pas en mesure de grimper au mur comme le font les petites bêtes que personne n'aimerait évidemment trouver dans sa cuisine, hein? Les cafards quand même. Les cafards qui font partie des insectes les plus résistants au monde, on le sait. Ils sont connus pour être en mesure de survivre à une explosion nucléaire, est-ce que c'est vrai, je sais pas. Mais également pour leur capacité à travailler en groupe. Mais aucune de ces notions n'intéresserait l'équipe de Kaushik Jayaram du département de biologie intégrative de l'Université de Berkeley. Ce qui intéressait les chercheurs était la technique utilisée par les cafards pour s'enfuir. Ils ont remarqué quelque chose d'étrange, les cafards foncent dans les murs. Contrairement aux autres animaux qui ont tendance à freiner avant un obstacle, les cafards, lorsqu'ils fuient, foncent littéralement tête première contre le mur. Avec Marie-Pierre Morin sur TVA. La force de l'impact associée à un squelette et un corps particulier permet au cafard de changer de direction en seulement 75 microsecondes. Il se retrouve alors parallèle au mur et peut le grimper facilement. La technique est quand même intéressante. Le cafard ne prend pas de décision, il laisse la physique faire son travail. En se basant sur ce constat, les chercheurs se sont demandé s'ils ne pouvaient pas reproduire cette technique. Ils ont donc développé un mini-robot qui ne pèse que 16 grammes, mais qui est en mesure de reproduire cette technique particulière. Le robot a la particularité de n'avoir aucun capteur et de ne prendre aucune décision. Car le problème est là, dit Cubic.com, un robot, lorsqu'il est face à un obstacle, doit prendre une décision sur ce qu'il doit faire. Ça prend du temps, il faut calculer les paramètres et les données des capteurs et opter pour le meilleur scénario. Le robot imaginé par les chercheurs de Berkeley, dont les résultats ont été publiés le 14 février aujourd'hui, dans la revue Journal of the Royal Society Interface, ne prend aucune décision et gagne ainsi du temps. Pour l'instant, le robot réussit à se mettre à la verticale, comme on peut le voir sur un GIF animé dans l'article, mais il manque encore la capacité de grimper au mur. On parle d'un autre animal qui inspire la technologie, c'est la mante religieuse. C'est ma sorte préférée de petite mante. Sa vision 3D pourrait aider la robotique. En 2014, donc, une équipe de l'Université de Newcastle au Royaume-Uni entamait un étonnant programme de recherche sur le système de vision 3D de la mante religieuse. Alors, ce curieux animal voit-il comme nous? Eh bien, pas tout à fait, selon les chercheurs, dont les travaux ouvrent des perspectives prometteuses en robotique. Les mantes religieuses voient la vie en 3D, mais d'une façon différente de nous, ont annoncé les chercheurs de l'Institut de neurosciences de l'Université de Newcastle au Royaume-Uni. Selon eux, cette découverte pourrait permettre de simplifier le processus de vision des robots. Les hommes, comme les singes, les chats, les chouettes ou encore les crapauds, voient en trois dimensions, mais la mante religieuse est le seul insecte connu à disposer de cette vision stéréoscopique. Ce type de vision permet d'évaluer les distances aux choses, à chacun de nos yeux qui perçoit donc le monde qui l'entoure de façon légèrement différente, et notre cerveau fusionne le tout pour former une seule image en relief. L'équipe a eu l'idée de créer des lunettes miniatures 3D pour étudier la vision des mantes religieuses. Équipés de ces mini-lunettes aux lentilles colorées, fixées avec de la cire d'abeille, les insectes ont eu droit à une séance de cinéma 3D avec visionnage de proies. Les chanceuses. L'illusion a fonctionné, les mantes ont cherché à attraper les proies. Les chercheurs leur ont ensuite montré des images plus complexes, ce qui leur a permis de découvrir que les mantes avaient une vision 3D très différente de celle de l'homme. Je cite, les mantes ne s'attaquent qu'à des proies en mouvement, donc elles n'ont pas besoin de traiter des images fixes. Ils ont découvert que les mantes ne se préoccupent pas des détails de l'image, mais se contentent de regarder là où l'image change. On dit que l'homme, en revanche, est très performant sur les images fixes, c'est ce que disent les chercheurs. L'étude est parue dans le journal Current Biology. Cette découverte d'un mécanisme de vision 3D simplifié pourrait trouver des applications en robotique. Actuellement, de nombreux robots utilisent la vision stéréoscopique pour naviguer, mais celle-ci est généralement basée sur la vision stéréo-humaine complexe. Ça nécessite beaucoup de puissance d'ordinateur, apparemment. Développer une vision 3D rustique comme celle de l'insecte, dont le cerveau est très petit, devrait permettre d'économiser de la puissance. Ça pourrait s'appliquer, par exemple, aux drones. Toujours chez les robots, on a parlé un petit peu de ça en début d'article. On parlait d'un robot de Boston Dynamics qui peut ouvrir des portes. Et bien, grâce à une pince articulée, le robot chien de Boston Dynamics peut ouvrir certaines portes et le prouve dans une nouvelle vidéo. Jusqu'où ira donc Boston Dynamics? Après le robot humain capable de faire des saltos arrière, voici le robot chien capable d'ouvrir des portes. Certes, Spot Mini n'est pas nouveau et a connu bien des évolutions depuis son apparition en juin 2016. En particulier, le constructeur a ajouté une carrosserie jaune qui le rend un petit peu moins tout nu et plus commercial. Ça fait très taxi. La nouvelle vidéo donc de Boston Dynamics qui montre qu'il est également capable d'ouvrir des portes. Pour ce faire, Spot Mini est doté sur son dos d'une pince articulée qui est articulée, contrairement à moi qui est articulier, hein, qui attrape la poignée de la porte et la fait tourner. La patte du robot bloque la porte entrebâillée le temps que la pince se positionne de l'autre côté et l'ouvre complètement pour laisser passer un autre robot chien. Surtout, ça prouve que Spot Mini est capable d'accomplir des tâches sophistiquées, ce qui pourrait le rendre utile comme robot de compagnie ou comme robot chargé de se rendre dans des environnements à risque. Mais pour l'instant, le constructeur qui appartient au groupe japonais SoftBank n'a annoncé aucune date de commercialisation. Toujours chez les robots, hein? Un robot pour dissuader de conduire sous l'emprise de drogue. Il s'appelle Didi. Hein, c'est le gouvernement du Canada qui a prénommé ainsi ce robot avec lequel on peut échanger sur la consommation de drogue à partir de Messenger, l'application de discussion développée par Facebook. C'est la première fois que le ministère de la Santé publique se tourne vers cette technologie destinée à cibler les jeunes de 16 à 24 ans. L'initiative prend ancrage dans une vaste campagne de publicité lancée par Sécurité publique Canada qui vise à décourager la conduite automobile avec les capacités affaiblies par les drogues. Ne conduit pas gelé, hein, c'est le nom de la campagne qui a été lancée à la fin de 2017, alors que le gouvernement fédéral s'apprête à légaliser la marijuana partout au pays. En plus d'être très présent sur les réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat et YouTube, l'opération de sensibilisation se déploie sur Facebook et Messenger. Sur l'app de discussion instantanée, le robot Didi peut faire de multiples choses. Il ne suffit que de la saluer, oui, pour que la conversation débute. Le robot nous offre alors de tester nos connaissances sur la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue, d'obtenir de l'aide ou même d'offrir un moyen de se déplacer en toute sécurité de notre position vers notre destination. C'est Cossette, une entreprise de communication de Québec, qui a recommandé au ministre fédéral de se tourner vers cette technologie qui permet de rejoindre plus facilement les gens. Ils disent les jeunes, mais tu sais... Je suis là-dessus, puis je suis plus bébé jeune. Hein? Le robot lui-même a été développé par une firme spécialisée dans l'intelligence artificielle, Hayden, en partenariat avec Banfield Communications. Du côté de la Sécurité publique et Canada, on ne possède pas encore de données sur l'utilisation de la boîte de discussion sur Messenger. Les premiers chiffres devraient être analysés d'ici la fin du mois de février. On reste chez les robots et on reste en fait sur... pas sur les robots, ça c'était un bot. Mais c'est pas la même chose, finalement. Bref. On parle de bots, hein? Un captcha. Est-ce que vous connaissez les captcha? Mais celui-là bannit les humains et accueille les bots. Un artiste a pris le contre-pied des captcha classiques. Ça, c'est les petits mots là, bizarres qu'on est supposé reproduire. Là. Bon, OK, ça c'est B5, S3. Mais il y a plein d'affaires qui se pilent par-dessus l'autre. Puis même un humain pas capable de voir ce que c'est. Là. Ben, c'est ça, un captcha. Bref, seul un bot équipé de certains algorithmes peut réussir à passer le test. Enfin, presque parce que quelques internautes coriaces ont réussi à le déjouer. Bref, les captcha, ces protections anti-bot qui demandent de cliquer sur des images, des fois, contenant un certain objet, ou sinon, ben, comme je disais, retranscrire un mot déformé. Ils sont généralement présents lors des paiements en ligne, des créations de comptes ou des validations de formulaires. Par pur esprit de contradiction, l'artiste Dungeonski, ça c'est le vrai nom de Dungeon, le faux nom, pardon, le nom de scène de Dungeon Pita, hein, il a inversé le principe du captcha en créant Humans Not Invited. Sur cette page web, un captcha de nouveau genre vous présente 9 vignettes et vous demande de cliquer sur celles qui représentent des enfants, des hand spinners, des fidget spinners, des chiens et même des pipis. Hein? Les variantes sont accessibles en rafraîchissant la page. Et ce captcha se distingue de ceux que vous avez déjà croisés, vous n'arriverez pas à le passer. Chaque vignette est tellement floutée qu'il est impossible de distinguer le contenu de l'image, réduit à un dégradé coloré. En annonçant la mise en ligne de son captcha anti-humain, Dabjonski s'attendait à ce que certains internautes tentent par tous les moyens de réussir le test, peut-être en cliquant au hasard, je sais pas. Mais bref, ça a fonctionné pour certains humains. C'était l'objet de discussions sur Reddit, et certains participants affirment avoir déjoué le captcha, et une petite communauté de programmeurs a mis au point des bots dédiés à sa résolution. pour relancer son intérêt, Dabjansky et deux de ses amis ont renforcé les preuves en introduisant de nouvelles variables, comme des algorithmes de floutage différents. Bref, hein, tout ce que vous avez à gagner, de toute façon, c'est la fierté de l'avoir réussi. Fait que ça change pas grand-chose. Parlant de taper sur un clavier pour réussir à comprendre un captcha, les hommes et les femmes tapent différemment sur leur clavier. Des modèles informatiques se sont montrés capables de déterminer avec une précision remarquable si un homme ou une femme était en train de taper sur un clavier d'ordinateur, ce qui pourrait servir à identifier des utilisateurs dans le cadre d'enquêtes criminelles. Empreintes digitales, traits du visage, détails de l'iris sont autant de caractéristiques que nous savons exploiter en biométrie. À cette liste, on peut maintenant ajouter la dynamique de frappe, c'est-à-dire la façon dont nous utilisons notre clavier d'ordinateur. C'est ce que les chercheurs de la Democritus University of Thrace en Grèce ont récemment étudié en détail. La dynamique de frappe est caractérisée par des dizaines de milliers de paramètres qui lui sont propres. Et selon les chercheurs grecs, certains d'entre eux pourraient même trahir notre sexe ou notre genre. Pour arriver à ces conclusions, les informaticiens ont installé sur les ordinateurs de 75 bénévoles, hommes et femmes, hétéronormatifs et autres trucs comme ça, un logiciel permettant d'enregistrer les frappes dans une utilisation quotidienne pendant 10 mois. Ils ont ainsi pu noter que les temps s'écoulant entre deux frappes spécifiques peuvent se révéler différents, tout comme le temps pendant lequel une touche particulière est enfoncée. Ensuite, les chercheurs ont développé un logiciel qui s'appelle I Squeeze You, je te coince, afin d'établir l'importance que les différentes façons de taper sur le clavier telles qu'elles ont été enregistrées peuvent revêtir dans la détermination du genre. Ainsi, le temps moyen entre la frappe de la touche N ou M et celle de la touche O semble significatif. Les ingénieurs grecs ont ensuite nourri des modèles de machine learning. Ceux-ci se sont montrés capables de déterminer si la personne qui tape est un homme ou une femme de manière étonnamment efficace avec 95,6% de réussite pour le plus performant d'entre eux. Les chercheurs imaginent aussi que la dynamique de frappe pourrait servir à identifier les utilisateurs d'ordinateurs dans le cadre d'enquêtes criminelles, par exemple. Parlant d'ordinateur et parlant de criminalité, on pourrait pirater un ordinateur déconnecté d'Internet à travers une cage de Faraday. Apparemment que c'est possible. Les chercheurs en sécurité ont montré qu'on pouvait générer des ondes magnétiques avec des cœurs de processeurs et les utiliser pour extraire les données sensibles d'un ordinateur avec un débit de quelques bits par seconde. Les hackers de l'extrême de l'université israélienne Ben Gurion de Negev ont de nouveau frappé. Ils viennent de mettre au point deux nouvelles attaques baptisées Houdini et Magneto, permettant d'extraire de façon secrète des données d'un ordinateur déconnecté, ce qu'on appelle « air-gapped ». Leur principal avantage, c'est qu'elles permettent de traverser les cages de Faraday, les cages, les boîtes qui sont supposées bloquer les ondes électromagnétiques qu'on retrouve dans certains sites particulièrement sensibles, comme l'armée militaire, comme les places où il y a du nucléaire. Comment est-ce que c'est possible? Dans les deux cas, les chercheurs s'appuient sur les cœurs de calcul des processeurs pour générer des ondes magnétiques. Donc, dès qu'un circuit électrique est parcouru par un courant, il crée un champ magnétique. Et dans un ordinateur, l'un des composants qui en génère le plus, c'est le processeur, car il consomme beaucoup d'électricité. En générant artificiellement des séries de calculs sur les cœurs de processeurs, les chercheurs montrent qu'il est possible de créer des ondes magnétiques à basse fréquence, donc inférieure à 50 Hz, et d'y encoder de l'information. Cela suppose évidemment qu'on ait réussi à infecter l'ordinateur au préalable avec un malware. L'intérêt de tout ça, c'est que les ondes magnétiques à basse fréquence traversent à peu près tout, y compris les cages de Faraday. Les chercheurs israéliens ont mis en œuvre cette technique d'espionnage de deux façons différentes. Pour commencer avec l'attaque Houdini, ils envoyaient des données par onde magnétique depuis un PC déconnecté contenu dans une cage de Faraday. Ces ondes sont captées par un petit magnétomètre, le Honeywell HMR-2300, placé aux alentours. L'expérience montre que le signal peut être capté à une distance comprise entre 50 et 150 cm en fonction du type d'ordinateur. Le débit, quant à lui, varie de 1 à 10 bits par seconde. C'est très faible, mais suffisant pour voler, par exemple, une clé de chiffrement ou un mot de passe. Mais le pirate n'a pas toujours l'occasion de mettre en place un mouchard magnétique dans les locaux de sa cible. C'est pourquoi il y a la deuxième attaque magnéto. Les chercheurs utilisent le magnétomètre d'un smartphone pour capter l'onde magnétique, ce qui suppose que l'attaquant ait également la maîtrise de ce terminal mobile. Soit c'est celui d'un complice, soit il a pu être infecté à son tour. Le téléphone est placé à proximité de l'ordinateur et placé dans une pochette anti-ondes qui joue le rôle de la cage de Faraday. Là encore, les chercheurs constatent qu'il est possible de transmettre des informations à une distance comprise entre 1 et 15 cm et un débit jusqu'à 5 bits par seconde. Pour se protéger contre ce type d'attaque, il est possible d'utiliser des brouilleurs magnétiques. On peut également envisager le brouillage logiciel en affectant de manière aléatoire des charges de calcul sur le processeur, quitte à perdre la performance. Autre solution, faire la chasse aux mouchards magnétiques et bannir les smartphones des zones sensibles. Et pour terminer, parlant de téléphone cellulaire, c'est là-dessus qu'on tweet des fois Donald Trump sa toilette. Les 280 caractères de Twitter sont finalement pas super populaires, malheureusement pour eux. On se rappelle, en 2017, Twitter opérait un changement important sur sa plateforme vers la fin de l'année en permettant à ses utilisateurs de publier des messages avec 280 caractères contre 140 auparavant. L'article dit 180, voyons, non, 140 caractères, tout le monde sait ça. Cette décision aurait pu être très populaire, mais il semblerait que la fonctionnalité ne soit pas très utilisée. Selon le PDG de Twitter, Jack Dorsey, l'une des choses que nous suivons de près était de voir si la taille moyenne d'un tweet augmenterait, et ce n'est pas le cas. Les gens ont davantage de place, on constate moins d'abandon de tweets parce que ça manquait de place, mais on constate aussi, c'est une citation ici, bien plus d'engagement sur Twitter. Nous dénombrons aussi davantage de retweets et beaucoup plus de mentions, et on voit aussi les gens avoir davantage d'abonnés et revenir plus souvent sur la plateforme. Eh bien, des déclarations en accord avec un sondage réalisé l'année passée qui concluait que les utilisateurs restaient assez partagés quant à cette nouvelle limitation. La moitié des sondés seulement a déclaré apprécier le changement. La dernière partie du commentaire de Jack Dorsey, par contre, est logique. Des tweets plus longs permettent aux utilisateurs de mieux s'exprimer, ce qui amènerait davantage d'engagement. Voilà pour le bloc Cynix. Hein? Il nous reste seulement du tout ce qui bouge à faire tout à l'heure. Mais avant ça, on continue d'écouter la trame, pas la trame sonore, mais le CD, l'album, mettons, l'album Dreamers, un hommage à la musique de Koji Kondo et Nobuo Uematsu dans les jeux vidéo. On écoute une pièce qui vient de The Legend of Zelda, A Link to the Past. C'est la pièce Dark World par ZBZ System, Mathieu Plante Show. J'avais oublié que... Ah ouais, voilà. Le gars, je pense qu'il y a un trouble obsessif compulsif et un silence de 3 secondes au début de chacune de ses pièces. Je comprends. Baby Bowser Fight du jeu Yoshi's Island par ZB Systems sur l'album Dreamers, The Tribute to Koji Kondo and Nobuo Uematsu. Maintenant, toujours Mathieu Plancho, c'est tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, c'est la chronique où on parle de tout ce qui bouge. Et on commence avec le système de Nissan intégré maintenant dans une auberge japonaise. C'est bizarre un peu. Donc, c'est Nissan Motor Company qui a conçu le système ProPilot Park Ryokan qui permet aux bas d'aller se ranger eux-mêmes. Oui, des chaussons qui vont se ranger eux-mêmes à l'entrée de l'auberge, n'attendant plus que l'arrivée des clients suivants. Chaque chausson est équipée de deux roulettes, d'un moteur et de capteurs permettant de retrouver son chemin à l'intérieur de l'auberge. C'est une version légèrement simplifiée de la technologie Nissan ProPilot Park qui officie dans la voiture électrique Nissan Leaf. 4 caméras haute résolution et 12 capteurs sonores permettent au véhicule d'appréhender son environnement proche et de se garer de manière totalement autonome tant que le conducteur garde le doigt appuyé sur le bouton dédié, ce qui est une sécurité supplémentaire. Ces chaussons capables de se ranger tout seuls sont là pour faire prendre conscience des technologies de conduite automatisées et de leurs applications potentielles. L'auberge, quant à elle, est située à Hakone, environ 75 km au sud-ouest de Tokyo. Et avec ces chaussons connectés et autonomes qui arriveront bientôt au mois de mars, ça devrait avoir plus de popularité comme petite auberge. Hein? Les chambres sont aussi équipées de coussins de sol et de tables basses à roulettes pour aller se remettre à leur place après utilisation. On va en moto ensuite, où Harley-Davidson se prépare à commercialiser sa première moto électrique. Oui, ça n'avait pas encore eu lieu. Harley-Davidson est un constructeur de deux roues emblématiques aux États-Unis. Wow, c'est bon à savoir. 4 ans après avoir dévoilé le projet Livewire, un prototype de moto électrique utilisé dans les films Avengers, la marque vient enfin de confirmer la commercialisation de sa première moto électrique dans un avenir plus ou moins proche. La société n'a pas précisé si la moto en question sera basée sur le projet Livewire ou non. Le nom de ces deux roues n'a pas non plus été dévoilé, mais bon, si on se réfère au projet Livewire, l'engin devrait pouvoir passer de 0 à 100 km en 4 secondes. Pour l'instant, on n'a aucune autre information. L'avenir nous dira comment les fans de la marque accueilleront cette toute première moto électrique. Voilà. En passant, Harley-Davidson qui entend dépenser entre 25 et 50 millions de dollars US par année dans les années à venir dans ses technologies pour devenir le leader mondial sur le marché de la moto électrique. On s'en va en voiture ensuite avec Coyote qui va vous aider à géolocaliser votre voiture volée. Après les alertes de danger, de zones à risque ou d'embouteillage, Coyote proposera bientôt des services de coaching de conduite ainsi que de la géolocalisation en cas de vol de voiture ou de moto. Abonné du service Coyote, vous allez bientôt pouvoir profiter de nouveaux services. Le spécialiste des outils d'aide à la conduite, qu'on appelait anciennement avertisseur de radar, annonce l'acquisition de près de 70% du capital de Tracker, une société qui a comme activité à intégrer des boîtiers de géolocalisation tant dans les voitures de particuliers qu'au sein de flottes de véhicules professionnels. Actuellement, 300 000 véhicules seraient équipés de la solution Tracker, alors que le ministère de l'Intérieur aux États-Unis indique que 164 000 véhicules ont été volés en 2016, et ça en moins de 3 minutes en moyenne. Chez Tracker, on répond que dans 95% des cas, les véhicules équipés de traceurs sont retrouvés. Pour Coyote, l'acquisition de Tracker est donc l'occasion de proposer un service unique combinant les fonctions d'alerte de danger de zone à risque et la possibilité de géolocaliser son smartphone, tout ça sur la même application mobile. Donc une promesse qui est quand même intéressante si on ignore le fait que le coût du service est quand même assez élevé et aussi qu'il faut avoir l'installation de boîtiers physiques dans sa voiture, mais aussi dans sa moto. Coyote, donc, il entend d'abord déployer ce service via l'application et non pas via ses boîtiers physiques. C'est aussi pour être en mesure d'adresser les utilisateurs de deux roues de moto. Je sais pas pourquoi les Français capotent sur le terme deux roues. De quoi le faire patienter jusqu'à l'arrivée du boîtier d'aide à la conduite dédié aux utilisateurs de deux roues dont la réalisation serait à l'étude en raison des fortes demandes de la communauté. Coyote qui proposera aussi d'autres services à ses clients dans le courant de l'année. Ils seront regroupés au sein d'une offre qu'on appelle Smart Driving. Actuellement, les boîtiers Coyote et l'application mobile utilisent différents services de Here, dont la cartographie et l'information trafic en temps réel. Dans le futur, Here livrera également à la communauté des alertes dites de vigilance. Donc, grâce aux métadonnées de la cartographie et la vitesse mesurée grâce au GPS du téléphone intelligent sur lequel l'application va être installée, les conducteurs pourront recevoir, par exemple, une alerte s'ils approchent trop vite d'un virage dangereux. Autre nouveauté, les alertes somnolence, qui là encore utilisent les données de la cartographie et les données mesurées par le boîtier ou le téléphone intelligent. En l'occurrence, si cela fait un moment que vous roulez à vitesse constante sur autoroute à une heure tardive depuis plus de 2 heures, l'application Coyote proposera au conducteur de faire une pause. Enfin, Coyote veut aussi vous apprendre à mieux conduire grâce à son nouveau score de conduite. L'algorithme a été réalisé en partenariat avec le centre de formation Conduire Juste. Les données mesurées par les capteurs du smartphone permettent cette fois-ci d'analyser votre conduite et d'en établir un score en fonction de la souplesse des freinages et des accélérations, ainsi sur la souplesse des virages. Si Coyote ne communique pas de date précise quant à l'arrivée de ces nouveaux services, il confiera aussi plus tard lors d'une entrevue avec 01net.com qu'il pourrait être déployé lors d'un prochain lancement de produit à la rentrée prochaine, ou plus précisément à l'occasion du Mondial de Paris. On passe des voitures aux camions maintenant, la camionnette autonome qui fait les courses pour vous. Ça s'appelle Nuro, N-U-R-O, c'est un concept de camionnette de livraison autonome destinée au commerce de proximité et qui circulera sur les routes. Imaginé par deux ex-ingénieurs de Google, l'engin s'adresse aux marchands désireux de faire du commerce électronique. Fondée il y a 18 mois, Nuro est une jeune pousse de la Silicon Valley qui restait jusqu'ici bien mystérieuse quant à sa raison d'être. Elle vient de lever le voile sur son projet qui consiste en une petite camionnette de livraison autonome. L'engin est destiné à effectuer des livraisons de commandes variées, comme des courses alimentaires, des billets de consommation divers, aller envoyer son lavage à quelque part. Une idée qui n'a rien de nouveau. Par exemple, la compagnie Starship, un petit conteneur sur roues autonome pour les livraisons sur de courtes distances. Il y a aussi les drones de livraison aérien, évidemment. Mais Nuro se distingue tout de même par sa taille et le fait qu'il circulera sur route parmi les autres véhicules. Sa taille est équivalente en hauteur et en longueur à celle d'un véhicule type utilitaire sport, un VUS, mais l'objet mesure seulement 1 mètre de large. Nuro est à propulsion électrique et pourra emporter une charge utile d'environ 115 kg. La camionnette Nuro, qui a été pensée pour être modulaire, avec un aménagement intérieur qui pourrait être personnalisé selon les besoins des revendeurs clients, par exemple des compartiments réfrigérés pour transporter des denrées périssables, des tringles pour suspendre des vêtements sur cintre. Les premiers tests en conditions réelles sont prévus cette année. Nuro, qui a été cofondée par Dave Ferguson et Jia-Jun Shu, deux ingénieurs ayant travaillé sur le logiciel de conduite autonome de Waymo, une filiale d'Alphabet, qui est la maison mère de Google, qui développe la voiture sans chauffeur. Elle vise le marché des petits commerçants et sites de commerce électronique, mais elle n'est pas la seule sur ce créneau de la livraison sur de courtes distances par des navettes autonomes. Lors du dernier Consumer Electronics Show, le CES, Toyota a présenté son concept de e-pallet et l'américain Robomart son épicerie mobile. Par ailleurs, un nouvel arrivant, Oudelve, vient de réaliser le premier essai de sa camionnette autonome sur une route ouverte. Et on passe des camions au bateau. La Chine crée un centre d'essai en mer pour bateaux autonomes. Les autorités chinoises entendent s'imposer dans la course au transport maritime autonome avec la création du plus grand centre d'essai en mer pour bateaux sans équipage. Tout près de la mer de Chine méridionale, la construction du plus grand site mondial d'essai pour bateaux sans pilote, une technologie à usage civil et militaire en plein boom planétaire, a commencé selon un média d'État. Cette zone de test est actuellement réalisée au large de Zhuhai, une grande ville portuaire du sud du pays, a annoncé l'agence Chine Nouvelle. La mer de Chine méridionale est une zone sensible dont le gouvernement chinois revendique la majeure partie face à d'autres pays aux prétentions rivales comme le Brunei, la Malaisie, les Philippines ou le Vietnam. La technologie des bateaux autonomes, sans pilote donc, en est encore à ses balbutiements au niveau mondial. Elle permettrait à des embarcations civiles comme militaires d'être dirigées à distance. Elle pourrait notamment révolutionner l'industrie du transport maritime. Donc sans équipage, un cargo pourrait embarquer davantage de marchandises. Les économies de main-d'œuvre pourraient également être colossales. Premier du genre à être construit en Asie, le site de test de bateaux sans pilote de Zhuhai devrait devenir le plus grand du monde avec une superficie totale à terme d'environ 770 km². Mais en quoi consiste-t-il? Des îles situées dans la zone maritime seront équipées de GPS, de sonars, d'instruments de communication ou encore de composants photoélectriques, tous nécessaires au guidage des bateaux selon le quotidien des sciences et technologies de Chine, qui est un journal de l'État. Je cite, Pékin utilisera ce site pour concevoir une série de nouveaux systèmes sans pilote à visée militaire, mais aussi civile, car c'est un secteur qui peut contribuer à son développement économique. Selon Colin Coe, spécialiste des questions maritimes à l'Université de technologie de Nanyang à Singapour, le site d'essai symbolise l'émergence de la Chine en tant que puissance maritime, dit-il, et vise à la positionner dans le futur marché des embarcations autonomes. Divers projets de bateaux sans pilote existent déjà dans l'Union européenne, par exemple le projet Munin, et aux États-Unis, le Sea Hunter, qui lui est pour le militaire, donc c'était pour le transport. La Norvège devrait par ailleurs lancer en 2018 le premier cargo 100% électrique et autonome au monde. La Chine cherche à rattraper son retard dans le domaine. Elle prévoit de mettre à l'eau à la fin de l'année son propre navire autonome qui doit servir au transport fluvial et à l'acheminement de marchandises vers des îles. Et pour terminer, notre seule nouvelle de drone cette semaine, le drone taxi Yihang, qui a transporté ses premiers passagers. La firme chinoise Yihang vient de publier les images d'essais de son drone taxi transportant des passagers, testés dans diverses conditions météo et scénarios de vol. Alors que Airbus vient de réaliser le baptême de l'air de son drone taxi Vahana, on en parlait dans les dernières semaines, le chinois Yihang semble déjà beaucoup plus avancé dans le développement de son appareil. L'entreprise a réalisé un reportage vidéo montrant son drone quadrirotor Yihang 184 effectuant ses premiers essais avec des passagers. Des ingénieurs, mais aussi des représentants du gouvernement chinois, oui, et le maire adjoint de la ville de Guangzhou ont pris place à bord. En tout, une quarantaine de personnes ont déjà volé dans ce drone taxi. Yihang a également construit un modèle biplace doté de 8 rotors électriques qui a transporté 2 passagers pour un total de 280 kg. L'entreprise dit avoir effectué déjà plus de 1000 vols d'essai de son drone taxi. On rappelle que l'Yihang 184 a été dévoilé lors du dernier CES en janvier... Non, pardon. Lors du CES de 2016. Ce multirotor en fibre de carbone et châssis en aluminium peut voler à une vitesse maximale de 130 km/h pendant 25 minutes. Pensé pour effectuer des transports urbains sur de courtes distances, il pourra voler en totale autonomie. Yihang n'a pas précisé si les essais qu'on voit en image sur assemblagerequis.com ont été réalisés dans des conditions comme je viens de les mentionner ou si l'appareil avait été contrôlé depuis le sol. En revanche, on apprend que le drone a grimpé jusqu'à 300 mètres d'altitude, réalisé un vol de 15 km, affronté un vent de force 7, le brouillard et a volé de nuit. Malgré ces résultats impressionnants, Yihang ne s'avance pas quant au déploiement effectif d'un service de taxi volant autonome. En effet, en dépit des avancées techniques rapides des candidats qui se bousculent au portillon comme Airbus, Uber, Volocopter, Copter ou Boeing, c'est l'aspect réglementaire qui demeure le principal obstacle. La ville de Yihang, qui ne fait même pas mention de la collaboration avec la ville de Dubaï aux Émirats Arabes Unis, qui compte pourtant lancer le premier service de transport par drone dès cet été. Alors, c'est à suivre. Voilà. D'ailleurs, il y a un article qui s'appelle « Le drone taxi Yihang 184 volera dès cet été à Dubaï », qui date du 15 février 2017, disponible sur assemblagerequis.com. Voilà pour le bloc Tout ce qui bouge. Il nous reste juste assez de temps à l'émission pour écouter un petit peu de musique avant de se quitter. Donc allons entendre un autre album. C'est un album de chiptune d'un compositeur derrière le jeu Ninja Gaiden. Donc après une longue absence, Kaiji Yamagishi est de retour pour son premier album solo. Ça vient de sortir au début du mois. Kaiji Yamagishi qui a composé plusieurs trames sonores mémorables de jeux vidéo dans l'ère du NES, dont des jeux comme Tecmo Bowl et Ninja Gaiden. Mais il n'a pas travaillé sur un jeu vidéo depuis très longtemps. Les trames sonores sont devenues de plus en plus complexes, de plus en plus orchestrales, donc moins chiptune. Yamagishi se sentait un petit peu délaissé dans ce domaine-là. Il n'a pas composé depuis 2003. Il dit qu'il n'est pas capable de composer avec un orchestre. Il avait l'impression que sa musique n'était plus nécessaire. Mais maintenant, il ramène ça. Et une chance, parce que le chiptune, c'est un mode de vie. Hein? Ça partira jamais. Les fans de chiptune aiment beaucoup le chiptune. Et son nouvel album s'appelle Retroactive Part 1. C'est pas une trame sonore de jeu vidéo, mais une trame sonore qui donne l'impression d'être dans un jeu vidéo. Donc de la musique remplie d'énergie, pareil comme celle de Tecmo Bowl et de Ninja Gaiden. C'est comme on dit dans l'article de The Verge, la trame sonore parfaite d'un jeu de NES qui n'a jamais existé. Donc voici Kaiji Yamagishi avec First Contact. Oh, Mathieu Blanchot! Guichy. La pièce First Contact, Yamagishi, super bon, son nouvel album solo qui vient de sortir au début du mois, comme je disais tantôt, après une longue absence. Lui qui avait travaillé sur la petite compilation World 1-2, dont on avait entendu quelques extraits il y a quelques mois de ça, c'est en 2013, ça lui a donné envie de travailler sur son propre album solo, ce qu'il n'avait pas fait depuis vraiment très longtemps, à la fin des années 80. Voilà, pour le Mathieu Plante Show pour aujourd'hui. Ok, oui, merci d'avoir été à l'écoute, on se retrouve la semaine prochaine, toujours les mercredis, entre 15h et 17h. On t'en rappelle les jeudis à 13h. J'ai aussi Assemblage Requis avec Tania Baudin du lundi au vendredi de 7h à 10h. Programmation sur cif.ca. Note de l'émission et balado-diffusion sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante. Vous avez été planté. Restez là pour Audiomatique pour les gens qui écoutent le mercredi. Et une dernière pièce de Kaiji Yamagishi s'en vient. Bounty Hunter. À la semaine prochaine. Bye bye.